Non, mais Denis, c'est la batterie. Là. Good job, Mr. Denis. À la batterie, Denis. À la basse, c'est Jaco. Et JP, c'est quoi? JP, il est timide. On va monter son volume. JP, tu peux monter ton volume. JP, c'est un orgue. Tu peux monter ton volume, JP, on t'entend pas. C'est bien! C'est bien! Oh, oh, oh. Thank you. Nice. Bravo. Il a raison le drummer, faut savoir ça. C'est bien.